encore un talent de l'Ouest que Mehdi a eu l'idée de mettre en avant dans notre projet. Je vais redécouvrir avec vous Saïd Desmureaux pour un voyage dans le hip-hop authentique et bien au-delà. Bah écoute, moi c'est Saïd Desmureaux, on va dire dans le milieu musique et tout ça, c'est Saïd Desmureaux. Et puis à l'époque dans le graffiti c'était Saïd et Saïd Gregdé. Je suis né dans le 78, j'ai grandi dans le 78 et notamment au Mureau. Ok. Quartier populaire des Bougimont, au Mureau, voilà, j'ai 45 ans et un activiste du hip-hop depuis l'âge de mes 15-16 ans, tu vois, 15 ans. D'accord, ok. J'ai d'abord plutôt grandi vers côté Cité Renault, tu vois, ouais. À côté du stade Léo Lagrange, là, ouais. il y a la Cité Renault. Mm-hmm. Et après, à l'âge de mes 13 ans, après on est parti au Bougimont. Ok, d'accord, ok, très bien. Bon, bah voilà, c'est tout. donc après, mes armes au niveau du... Après, mes débuts aussi dans le hip-hop et enfin dans cette culture-là, bah, elle a plus démarré quand j'habitais au Bougimont, tu vois. C'est d'accord, quoi, ouais, ouais. Je suis arrivé au 84 au Bougimont, avant j'étais à la Cité Renault. Ok, d'accord, très bien. Question suivante, c'est comment t'es entré dans le hip-hop? Voilà, tout simplement. Comment ça s'est passé? C'était quoi le... Est-ce qu'il y a eu un truc déclencheur? Comment je suis venu par le hip-hop? Bah, c'est simple. Hein, par le biais maison quartier, on allait avec des gens du quartier, des amis du quartier, en maison de quartier, qui était la maison de quartier Gérard Philippe. D'accord. Et déjà, moi, j'étais déjà fan de hip-hop à l'époque, de toute cette culture-là. On commençait à regarder ce qui se passait sur TF1 là, avec Sydney, avec son émission, tu vois. D'accord. HIP et HOP. Mm-hmm. Quand j'ai vu cette émission-là, forcément, ça m'a tout de suite interpellé, ça m'a tout de suite... ça m'a tout de suite attiré, ça m'a tout de suite... j'ai tout de suite kiffé et tout ça. Donc après, forcément, tu t'y intéresses un peu plus et après ça, en allant en maison de quartier avec des amis de l'époque, tu vois, je devais peut-être avoir 15-16 ans, un truc comme ça, même pas, ouais, 14, 15, 16, 15 ans, toi t'es quoi, t'es de 75, 76? 75, d'accord, ok. Ouais, je devais avoir 14 ans, ouais, un truc comme ça, je devais avoir 14 ans. D'accord. Et après, voilà, après cette époque-là, c'était l'époque, de Sydney, l'époque du Smurf. Tu vois, et notamment, moi, j'ai commencé à m'intéresser à cette culture, déjà, à travers la danse, tu vois, parce que de par rapport à Sydney et tout, et puis après aussi, à travers aussi le rap que j'écoutais à Radio Nova, tu vois. D'accord. Radio Nova, donc il y avait Radio Nova à l'époque avec Dynasty et Lionel Guy et tout. Et on se faisait tourner les cassettes avec les potes et tout ça. Donc ouais, c'est la danse et puis le rap qui à l'âge de 14 ans à peu près qui m'a piqué et puis après il y a eu le graffiti juste d'accord après. Ok, donc on peut dire en gros t'es dans la génération Sydney quoi en fait hein, la génération enfin, au niveau déclencheur on va dire que c'est hip hop quoi, enfin HIP HOP quoi. Ok, très bien. Ouais, complètement. Moi, j'ai découvert ça à travers Sydney, déjà. Ok. Alors, par rapport à ça, donc le fait, si tu veux, de découvrir cette culture, cette nouvelle culture qui était quand même quelque chose de totalement différent qu'il n'y avait pas en France, quoi. Qui balayait un peu la variété que nous on avait ici, quoi. Est-ce que donc on a parlé, si tu veux, pendant, enfin. au niveau des prémices comme ça d'un mouvement hip hop, tu vois, qui ça s'appelle, enfin on appelle ça nous le move, quoi, le mouvement hip hop, tu vois. Est-ce que donc sur les muraux, je parle bien sur les muraux, le fait que avec tes potes vous alliez dans les MJC, etc., est-ce que tu peux dire qu'il y avait vraiment un mouvement, quelque chose qui se créait sur les muraux ou pas? Bah c'était très, c'était un épiphénomène, tu vois. On était vraiment pas beaucoup, tu vois, que ça soit au niveau de la danse, au niveau de la musique et même au niveau du graffiti, il y a quelques personnes, donc c'était d'accord. C'était nous à l'époque, on regardait un peu avec un regard un peu comme ça, en se disant c'est quoi, ouais, ils sont bizarres ces mecs là, ouais, voilà, qu'est-ce qu'ils font. Et surtout quand t'as commencé un peu plus à rentrer avec les codes vestimentaires et tout ça, au départ tu t'es pas forcément dans les codes vestimentaires et tout, mais après forcément quand tu grandis un peu plus, tu veux ça et c'est vrai que ça a été on n'était pas beaucoup et c'était vraiment un des phénomènes, tu vois, que ce soit même pour le graffiti, que ce soit pour le rap, il y avait quelques mecs, pour la danse. On a, de toute façon, on a tous commencé, je pense, par déjà la danse, et puis après, il y a eu le rap, et puis après, tout ce qui est voilà, graffiti, toutes ces choses-là. Donc, ouais, il y avait des potes qui ont commencé par la danse, après qu'ils ont au muro, et puis qu'ils ont fini par faire du rap, et voilà. Mais c'était vraiment un épiphénomène parce que. Tu vois, au Muro, que ça soit dans 78, où on avait peut-être après, plus tard, moi j'avais des connaissances des gens sur des gens de Mantes qui faisaient des choses et tout, mais c'était vraiment un épiphénomène. On n'était pas. D'accord. Et alors quand tu dis. Vraiment, on n'était pas beaucoup. Alors quand tu dis pas beaucoup, t'estimes ça à combien, je veux dire? Est-ce que vous étiez 10, vous étiez 50, vous étiez 100? Enfin, tu vois, c'est quoi en gros? C'est je pense qu'on devait être max une vingtaine de personnes. D'accord, sur les muraux. Okay. Une vingtaine, sur les muraux, si tu regardes entre ceux qui dansent, ceux qui graffent, qui rappaient, allez, 20, 30 personnes. On était 30 personnes à la louche. C'était. Deux mecs c'est sérieux, quoi. Enfin, tu vois, deux mecs qui sont vraiment impliqués dans le truc, etc., etc. Je parle pas, tu vois, qui vient, qui te voit en train de danser, donc qui va venir et puis il va faire, une petite phase de robot, qui va se barrer et puis tu reverras plus, quoi. Non, vraiment des gens qui étaient fans de cette culture et qui pratiquaient, tu vois, qui étaient souvent dansés, souvent c'est des choses. Quand il y avait des événements. Participer aux événements pour montrer ce qu'ils faisaient et tout ça. Tu vois, après ça, c'était. Ça devait être quoi, 84, 5, 86, ouais. 87, un truc comme ça, tu vois, 88. Et est-ce que toi, tu as ressenti, ben, j'imagine un petit peu comme tout le monde, mais je vois bien sûr de ça, tu vois, donc il y a eu la période donc HIP, Sydney 84, machin, donc la mode, hein, carrément, c'était une mode, quoi, c'était. Et du jour au lendemain, on va dire qu'une fois que ces émissions sont terminées, il y a eu une espèce de, tu vois, le soufflet qui est redescendu, quoi. Et après, à partir de 85, c'était le gouffre. Enfin, tu vois, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de visibilité, etc. Et il y avait ce côté, en tout cas, moi, c'est ce que plein de gens m'ont dit, tu vois, sur toutes les interviews, là. Et tout le monde est d'accord sur le fait de dire que il y a eu une espèce de traversée du désert, on va dire, entre 84, où c'était un peu grand public, et quand ça a repris véritablement, on va dire, d'un point de vue vers 80, fin 86, 87, tu vois, où il y a commencé à y avoir l'émergence vraiment du tag sur l'Île-de-France, où c'est parti, quoi, hein, vraiment, là, c'est parti. Est-ce que toi, tu as eu, durant cette période-là, là, sur ces 2 ans, 3 ans, là, où vous étiez un peu les derniers des Mohicans, on va dire, tu vois, d'un truc où les gens te disent, ouais, mais ça, c'est fini, de toute façon, ça, c'était qu'une mode, c'est pour les gamins, machin, là, là. Du point de vue de cité, parce qu'en cité, en fait, notamment sur les Yvelines, c'était très funk, c'était la funk, les anciens, c'était la funk, tu vois, la funk, la soul, et les mecs, t'avais tous les Kissman que tu retrouvais à la Défense, là, au Midnight, machin, eux, ils s'en battaient les steaks du hip-hop, pour eux, ils voyaient ça, enfin, moi, je voyais ça, hein, moi, je voyais sur plaisir, les mecs, ils te voyaient comme des, ils comprenaient pas, tu vois, le truc, ouais, qu'est-ce que tu fous par terre à danser, enfin, tu vois, c'est ça. Ouais. C'est ça. Bah, après, ouais, c'est ça, t'as raison. Bah, après, nous, au Muro, ouais, c'est... après, comme c'était un épiphénomène, donc, on était vraiment pas beaucoup d'initiés, donc, du coup, je sais pas si cette traversée du désert, on était dans un peu marginalisé, parce qu'effectivement, la plupart des gens. Vous étiez déjà marginalisé, en fait. C'est ça, le truc. Déjà, à la base, on était marginalisé. Après, les gens, voilà, c'était la funk et tout. Donc, ouais, effectivement, nous, on était un peu vraiment à l'écart. Surtout quand tu viens de quartier populaire. Bien sûr. Un peu dur. Les gens, ils ont d'autres préoccupations. Mais après, nous, on n'a pas forcément, parce qu'en plus, on bougeait pas beaucoup. On était vraiment dans notre coin, dans notre ville. Donc, c'est à partir de, ouais, de 88 ou 89 où ça commençait à un peu, tu bougeais, t'allais voir ce qui se passait ailleurs, mais après tu faisais ton petit truc de ton côté, sans forcément, après, oui, il n'y a plus l'émission, donc à écouter Radio Nova. Il y avait Radio Nova qui faisait des trucs encore, tu vois. C'était après, je pense que là, le côté danse, effectivement, peut-être a été mis de côté parce qu'il n'y avait plus l'émission, et comme tu dis, mais après, il y a eu le côté rap qui est un peu plus explosé parce que via Radio Nova et notamment les projets qui commençaient à sortir là, à l'époque, tu vois, comme Rap Attitude, je crois que c'était 88, je sais plus. 90, c'est 90, Rap Attitude, c'est 90. Ouais, c'est fin 89, début 90, en fait. Ouais. Voilà, donc, après, il y a eu. Mais c'était Radio Nova, je me souviens, ouais, Radio Nova, ça ça a démarré à 88, tout à fait. En fait, la grosse partie, ces deux ans, ça a été 88-89, sur les deux années, en fait, tu vois, c'était ça. Voilà. Et donc, là, quand vous êtes sur donc toute votre communauté, on va dire, tout le groupe, là, est-ce qu'il y a déjà l'émergence, tu vois, d'un nom de crew, enfin, tu vois, de band, machin, etc. Ou non, vous étiez tous, voilà, juste des aficionados, sans qu'il y ait pas de structure, mais de, voilà, vous dites, ah bah tiens, on va se faire un groupe, on va s'appeler les je sais pas quoi, machin, etc. Est-ce qu'il y avait ça ou pas? Il y a eu des mecs qui ont fait des trucs comme ça, mais plus dans le délire gang, tu vois. Ouais. Pas forcément. Peaceful. Dans l'esprit hip-hop. Ouais. Tu vois, je crois que c'était plus dans le délire un peu gang. Mais après, c'est venu plus par rapport, au niveau du graffiti, tu vois. Okay. Ça, le côté crew, le côté machin. C'est plus marqué, c'est plus imposé. Quand il y a eu le graffiti, quand il y a avec des gars des muraux. Qui est par moi mon mis dans le graffiti et tout. D'accord. Ça, là, voilà, t'intégrer un peu des crews, mais du coup, non, c'était, il y avait pas vraiment de nom précis, mais je me souviens pas réellement. D'accord. Mais t'avais, oui, des gars, je me rappelle, il y avait c'était LS d'Aphrodisiac, et avec son gars de Rosie, qui étaient des mecs de quartier qui ont monté leur groupe de rap. Après, d'accord. Chacun avait monté sa petite, son petit truc au fur et à mesure. Mais non, à l'époque, j'ai pas le souvenir d'avoir un nom bien précis. D'accord. Après, on a eu, je crois, je sais plus en quelle année. Après, il y a eu un truc qui s'est fait, mais je crois que c'était 89, un truc comme ça, entre 89 et 90. Plutôt 90, où il y a eu un projet culturel, et notamment où il y avait du rap et toutes les disciplines du rap qui étaient dedans. Donc après ça, il y a eu un nom, ils ont mis tous les gens qui aimaient cette culture là et ce truc là dans le projet, tu vois. Ouais, c'était 90 ou 91, je sais plus. D'accord. Mais après il y avait un nom d'une compagnie, qui avait travaillé sur un projet, qui allait développer un projet autour de la culture hip-hop, et qui avait été réuni. C'était un projet culturel avec la ville. Ok. Alors. C'était plutôt fin années 80, ça. D'accord. Alors, moi, j'ai appris, parce que honnêtement, je ne savais pas du tout. Moi, ce que je connaissais, bon, ça y est, des bureaux, pour moi, c'est Beatmaker, tu vois, c'était, voilà, ça. Et en fait, j'ai appris par un mec qui s'appelle Mass. Je ne sais pas si tu vois qui c'est, Mass. Ouais, M. Mass, ouais, Mass, ouais, voilà. Je connais, ouais. Et parce qu'en fait, si tu veux, quand je cherchais enfin chercher, oui, j'étais un peu en train d'investiguer pour avoir des gens, tu vois, qui soient des muraux de ça, etc. En fait, je l'ai en contact. Enfin, bref. Et donc, je lui demandais, parce que, en fait, si tu veux, nous, le projet là de bouquin s'arrête vers 95. Tu vois, on arrête vers 95. C'est-à-dire qu'on fait 80 des débuts, quoi. On va dire 83, 84, jusqu'à 95. C'est un choix délibéré. Voilà, on aurait pu aller plus loin, mais on s'arrête là. Et donc, si tu veux, je demandais à Mas, je lui disais, bah tiens, ça t'intéresserait, toi, qu'on en discute, tout ça, etc. Puis il m'a dit, ouais, mais moi, tu sais, c'est après. En fait, il est plus jeune, donc c'est truc d'après. Et c'est là qu'il m'a dit, parce que je dis, ouais, mais sur les muraux, moi, j'ai pas souvenir, tu vois, autant sur Mantes, ouais, je vois bien, mais sur les muraux, j'ai jamais, pour moi, défini, tu vois, qu'il y avait des mecs bien précis, tu vois, voilà. Voilà. Ouais, ouais. Et, bah, enfin, moi, je les connais pas. Moi, j'ai pas la prétention de tout connaître, mais disons que ça me dit rien. Et puis, il me fait, ouais, bah, à ce moment-là, il me dit, bah, demande à Saïd. Alors, je fais Saïd. Saïd, que qui? Ben, il dit Saïd Desmureaux. Je lui dis, mais il est beatmaker. Il me dit, ouais, mais avant, il faisait des graphes. Il graffait, il cartonnait à Nanterre, tout ça, la Défense, tout ça, achat. Ah bon? Ah oui, alors j'ai dit, ah bon, bah écoute, grande découverte. Et donc voilà, donc c'est pour ça que je suis venu vers toi, en fait. Parce qu'il y a une suite, il y a un continuum logique, quoi. Alors justement, voilà, c'est une bonne passerelle pour passer à la question d'après. Donc t'as été un writer, soit donc dans la fin des années 80. Alors est-ce que tu faisais ça tout seul ou en groupe? Et comment tu t'es retrouvé à graffer, alors notamment à attaquer les lignes, etc. quoi. Je veux dire, sortir du graphe que tu fais, toi, sur le mur de ton bâtiment, bah, de chez toi, quoi. Tu vois, c'est comment tu t'en es arrivé là. Bah, après, c'est vrai que bah, quand t'es passionné de hip hop, culture hip hop, voilà, tu touches à tout. Moi, j'ai touché à tout dans cette culture-là, donc tu t'essayes à ça. Et en fin de compte, le graffiti, c'est venu parce que par des gars des muraux, tu vois, qui m'ont interpellé, et c'était des gars de chez moi et qui étaient à côté de mon quartier, qui étaient à Vigne-Blanche. Moi, j'étais au Bougimont, ils étaient à Vigne-Blanche. Ouais, ouais. Et c'est vrai que moi, j'aimais bien dessiner parce que j'étais au collège, il y avait la Jules Verne, il y avait un ami à moi qui dessinait super bien, donc il m'a mis l'envie de dessiner aussi, tu vois. Donc le fait de dessiner, après c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Après, bon, moi j'étais dans le côté artistique, donc forcément. Et puis le graffiti, ouais, c'est venu après, quand tu vois des gars de chez toi, des tags un peu partout, machin. Mmh. Tu commences à comprendre à travers ce que t'as connu et tes premières expériences du hip-hop, que bah il y a le graffiti, ça intègre cette culture-là et le tag. Et notamment, bah c'est des mecs comme Case et Jim C, tu vois, qui étaient deux gars des muraux, qui étaient des mecs qui bougeaient, qui taguaient, qui cartonnaient de fou, tu vois, et notamment qui avait fait des trucs avec des mecs de Mantes aussi, tu vois, parce qu'il y a eu aussi un crew là-bas qui s'est monté. Ils avaient intégré aussi ce crew-là, qui était STK, qui était un crew aussi, un crew de mecs qui faisaient de la musique, de danseurs, de graffeurs, donc un des premiers crews de Mantes, tu vois, au niveau hip-hop, et parce que c'est pareil. Je les ai eus en interview. J'ai eu Elliot en fait en interview. Donc d'accord. Tu vois, par rapport à toi. Voilà. Donc oui. Ouais. Non, mais je vois très bien. Parce que moi, je suis né à Mantes. je suis nouveau le fourré, moi. Donc j'ai pas vécu longtemps, mais je connais très très bien Mantes aussi. Tu vois, Mantes et les muraux, pour moi, voilà, c'est les deux villes du 78 où j'ai la famille, quoi, en fait. Ouais. Attends. Excuse-moi, je vais juste te faire répéter le nom. Tu m'as dit Case et alors si tu peux juste mettre Case, K-Y-S-E. Ok, d'accord. Et l'autre? Et Jim C. Ok, donc J-I-M Jim C S Y. Ok, Jim C, d'accord. Ok. Et donc ces mecs-là, c'était des mecs qui étaient de ton âge ou qui étaient un petit peu plus âgés ou c'est la même génération que toi? Pratiquement la même génération, peut-être un an ou deux ans plus. Ouais, c'est la même génération. Ok. C'est pas des mecs qui sont vraiment plus anciens, etc. Non, c'était des mecs des muraux. Case, il était de la Vigne-Blanche, et Jim C, il était des musiciens. Ok. Et eux, moi, je voyais, voilà, des tags de eux à travers voilà, TMC Case et STK, machin, étaient cassés, enfin, ils commençaient, enfin, c'est après, ils ont commencé à intégrer des crews, mais au-delà des muraux, tu d'accord. vois, parce que tu voyais que c'était bah, les mecs qui bougeaient, tu vois, qui bougeaient, ouais, tu ouais, ouais, vois, mais qui bougeaient. Moi, à l'époque, c'était pas encore le, enfin, dans mes débuts, c'était pas encore le cas, après, ouais. Après, j'ai bougé, ouais, mais c'est eux qui, après, à travers, bah voilà, tu vois, tout le monde, tu connais les uns et les autres à travers des rencontres des uns et des autres. Tiens, ouais, tu fais du Goethe, toi, tu fais ça. Mmh. Et puis après, tu dis, ah, moi, ça m'intéresse aussi, j'aimerais bien. Et tout, voilà. Et puis après, les mecs, ils te prennent un peu sous leur aile, tu vois. D'accord. Et ça a été le cas, tu vois, notamment c'était Case, tu vois, qui avait pris. Niveau du graffiti, du tag, il m'avait pris un peu sous son aile. Après, pareil, c'était un passionné de hip-hop, tu vois. Ouais. Le mec qui fait cette culture-là, tu vois, c'est avant tout des gars qui faisaient ça. Et, ouais. Et du coup, bah, après, moi, j'ai commencé à bouger, à bouger un peu des muraux et à faire des choses en dehors des muraux. Okay. À travers le Goethe et tout ça. Vers quelle année Vers quelle année t'as commencé à bouger, là, comme ça? Je crois que c'est 89, 90, je pense. C'est 90, ouais. Ok. 89, 90, je crois, ouais, ça doit être ça. Hein. Et donc, tu me dis qu'eux, ils ont été à un moment donné, ces deux-là, affiliés avec les STK, c'est ça? Ils ont été. Ouais, ils étaient affiliés avec les STK, et puis. Et après, de fil en aiguille, ils étaient affiliés avec d'autres crews, mais pas, d'accord. pas de la okay, région, okay. tu vois. Ouais, ouais, mais de la région, ils étaient avec. Avec les STK. Okay. Ouais, enfin, ils ont fait des trucs avec. Je me rappelle, c'est quoi J'ai le souvenir que Pancase faisait Case, STK, machin, enfin. Ouais, ouais. D'accord, c'était, vous avez pris le. C'était ça. Après, ils ont intégré d'autres crews, par exemple de Nanterre, machin et tout, parce qu'ils bougeaient justement là-bas vers Nanterre et tout. Ok. D'accord. Alors, justement, donc, est-ce que toi ou vous aviez donc bah, des connexions avec des activistes des autres villes, toi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où toi t'as commencé à bouger, est-ce que tu dis bah voilà, je bougeais avec tel groupe ou tel mec, comment ça se passait un peu? Après, oui, après, moi, je sais que déjà, à travers le hip-hop et à travers danse, rap et tout, je sais comme par rapport au projet culturel que je t'ai parlé, qu'on a fait avec la ville, mm-hmm. Je sais, c'est en 90 ou en 91, un délire comme ça, j'ai plus souvenir, j'avais rencontré, ils avaient fait appel à un intervenant qui était chimiste de la Clica. D'accord, vois, ouais, David, ok, faisait, ouais. Ouais, David, voilà, exactement. Et lui, je crois que c'est ouais, 91, un délire comme ça. Je me remémore le truc. Ouais. Et donc, moi, justement, mon premier intéressement du beatmaking et de la musique et de la compo, bah, comme lui, il était dedans, c'est ça, parce qu'il s'occupait de faire la musique du projet, tu vois, du projet culturel et tout ça. C'était une espèce de une compagnie qui proposait tout un spectacle, tu vois, okay. qui faisait la musique pour nous. D'accord. Et déjà, lui, c'est voilà, première rencontre, il vient de Paris et tout ça, donc première rencontre avec quelqu'un qui est la Clica, je crois, à l'époque ça n'existait pas encore. Non, ça n'existait pas, parce que la Clica, c'est à partir de 93, on va dire. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, voilà, et après, à travers le graffiti et le tag, bah, Case m'a présenté, je crois, un ou deux gars de STK, il m'avait présenté, comment il s'appelle, Wallis. Mm-hmm. Ouais. Wallis, tu vois, donc j'avais rencontré lui, et puis après, quand tu commences à bouger, avec un peu à bouger et tout ça, c'était à l'époque bah aussi on allait au terrain vert à Nanterre, et ils m'avaient présenté, et eux, comme ils étaient dans des crews Case et Jimsy, des KC et des KA, ouais, mm-hmm. tu vois, et du coup ils m'avaient présenté aussi à des mecs des KA et des KC qui après moi j'avais intégré, mais ça c'était après. D'accord. Donc ouais. Et puis, pareil aussi à Mantes à l'époque aussi, ça c'est un peu plus tard aussi, bah c'est pareil, c'est tu vois comme Voilà, c'est un microcosme, donc surtout dans 78. Bien sûr. Donc, il m'avait présenté aussi au mec de Express D. Tu vois, donc t'avais STK, tout ça, tous ces mecs étaient liés, donc tout le monde se connaissait. Qui pratiquait un peu le hip-hop et la culture hip-hop, avait un peu des liens les uns avec les autres au fur et à mesure. Et, C'est clair. Ouais, comme on dit, le monde, il fait 3 mètres carrés, quoi. Ouais, voilà, voilà. Donc, surtout quand, par exemple, dans le 78, on n'était pas beaucoup. Bien sûr. Suffit que... Moi, tu vois, moi, je faisais du graffiti étagué, mais je rappais un petit peu moi, à côté, tu t'as tout. Moi, j'ai fait aussi du rap, tu vois. J'ai sorti même des projets, donc... D'accord. OK. Ouais. Non, bah oui, non, mais c'est, y a pas de, y a pas de truc, hein, ça. J'ai fait plein de trucs, donc, du coup, voilà, tu vois, quand t'es un pratiquant du hip-hop et un passionné de cette musique, de cette culture-là, plutôt, forcément, tu vois, dans des coins comme nous, comme les Mureaux, au Mans et tout ça, ça se retourne autour de peu de personnes, quoi. Ouais, voilà, il n'y a pas beaucoup de personnes, donc voilà, ah ouais, ok, tu fais ça, machin, vas-y, viens, on fait ça, viens, on bouge. Bah, viens, machin, tiens, tu fais du rap, lui aussi fait du rap, vas-y, tiens, écoute, là, il fait de la danse, lui, il fait ça, voilà. Après, c'est clair. Toi, tu fais du graffiti, mais après, ouais, le graffiti, où j'ai connu des gens vraiment d'extérieur aussi, des muraux et autres, tu vois, voilà, c'est quand Case m'avait présenté au DK, au DK, c'est quoi. Voilà. Et alors? Et après, là, tu commences. Ouais. Et alors, donc, quand t'es parti commencer à graffer, tailler hors des mureaux, c'était quoi? C'était surtout sur la Défense, là, sur plutôt Nanterre, tout ça, ou c'était même dans Paris? Ah, c'était un peu. Après, t'as dans ton secteur, forcément. Après, ça a été Nanterre, ouais, voilà, Nanterre. Après, ça a été, ouais, fait des missions. Ça a été un peu dans Paris. Ça a été un peu partout, tu vois. Après, moi, j'étais pas forcément un vandal de chez Vandal, tu vois. Ouais. J'étais plutôt, voilà, ouais, ok, tu prends un Posca ou un Parade, voilà, tu tagues un peu dans les RER, tu tagues. C'était vraiment de temps en temps, machin, surtout dans les coins que tu connais, dans les coins que tu connais pas, bon. Après, des fois, t'allais un petit peu sur les voies, sur des trucs, c'était. Ouais. Hein? Non, je dis parce que j'ai vu une photo d'un block letter, quoi, d'un Saïd, tu vois, un Chrome, je crois. Je sais pas si c'est pas Mas, là, justement, qui m'avait envoyé ça, là, une petite photo comme ça, d'un truc qui devait être dans un des tunnels de la Défense. Il me semble, hein, ça, en tout cas, ça faisait tunnel, hein, ça c'est clair. Et donc ça, oui, donc voilà, donc tu pouvais taper un petit peu par-ci. C'est possible, quoi. Ouais, après, franchement, on a fait tellement à l'époque, bien sûr. Tellement, on était en vadrouille. Ouais. On partait, on faisait des missions, aussi bien que ça soit dans des terrains, que ça soit dans des trucs désaffectés, que ça soit sur les voies, que ça soit sur les trucs. Et après, voilà, après moi, j'étais pas forcément. Un acharné du taille. Moi, je faisais un peu de musique, je faisais un peu de rap et tout, j'étais pas le mec qui cartonnait de ouf. Ouais, vraiment. C'est clair. Tu vois, qui te faisait des wallcars sur des RER, deux sur des trains, mais j'étais pas, c'était vraiment à l'opportunisme, de temps en temps, tant qu'on a ça, tant qu'on bouge, on fait ça, certains coins, tu vois, mais pas forcément de mission élaborée pour se dire, vas-y, tiens, que ce soit, on va faire ça, machin, donc c'était plutôt à l'opportunisme. Ok. Est-ce que vous avez des relations avec des autres crews des villes du 78? Bon, bah, tu me dis avec Mantes, ouais. Et toi, sur ta ligne, là, genre Chanteloup, tout ça, t'avais des rapports avec des mecs? Tu bougeais avec des mecs ou pas du tout? Chanteloup, franchement, non, pas du tout, tu vois. Il n'y avait pas de. Je te dis, les seuls, dans le 78, les seuls rapports que j'ai eus. Ouais. À travers le graffiti et le tag, c'est soit Mantes. Et après, si, il y a eu un mec d'Aubert qui s'appelait Niz, qui taguait Niz, Nice. Nice, je sais pas si tu vois, c'est non, qui. Je vois pas. D'Aubert, Aubergenville. Après, Aubergenville. Aubergenville, ouais, c'est un mec, lui, qui a beaucoup cartonné. Et si, après, à Poissy, un peu plus tard, à Poissy, avec des mecs comme Jiwi, comme Opaque. D'accord. Le groupe SDK, tu vois. Il y a il y avait des connexions avec eux aussi qui se sont faites. D'accord. Plus tard. Et par contre, t'avais pas de connexion, genre avec soit des mecs de Cergy ou toi de Trap, de Plaisir, tout ça, non, de l'autre côté des Yvelines ou non. Non, pas. Ok. Non, franchement, de l'autre côté, non, ça a été beaucoup avec des mecs. Sur ta ligne, en fait. C'est sur ta ligne. Ouais, voilà. En général, c'est sur ta ligne. Sur la ligne. Après, c'était Nanterre, après. Tu vois, dans les DKA et tout ça, il y avait des mecs du 92, mais il y avait aussi des mecs du 78, des mecs de Sartrouville. Ouais. Il y avait des mecs aussi de Paname. Après, il y a eu des affiliations au fur et à mesure qui se faisaient, tu vois. Ouais. Mais pas de ce côté-là, pas de ce que tu me décris. Non. D'accord. Alors, toi, qu'est-ce que tu... J'ai pas de souvenir. D'accord. Est-ce que tu... Pour toi, ta période de writers, on va dire, où vraiment tu as été le plus actif, entre guillemets, ça serait de quand à quand, à peu près? Ouais, je pense que ça se résume sur de 90 à 95. Hein. D'accord, 90-95. Ok, d'accord. Je pense. Hein. Ok. Bah, si tu penses, je te crois. Ouais, tu sais mieux que moi. Je sais que ça fait un gros travail. En fait, il fallait manger du poisson ce midi, c'est pour ça. C'est pour activer la mémoire. C'est clair. Donc, quand tu déchirais, quand tu taguais, c'était quoi tes outils, tes armes préférées? C'était quoi? C'était Posca, bombe, barane, bougie. Enfin, c'était quoi? Bah après c'était ouais quand t'es en déplacement comme ça sans programmer quoi que ce soit c'était Oscar et Baran, hein, tu vois. Ouais ok, le fameux Baran, le fameux ah ouais, bah oui, Baran reconverti méthode. Et même j'ai fait je me rappelle, je crois que c'était avec Kane, on avait fait sur un truc, c'était du à l'éponge carrément, tu vois. Ouais. Tu remplissais de chlorio, ouais. Tu vois, non, l'espèce d'encre là, d'accord, tu prends une éponge avec un gant de un gant bapa, de chirurgien, tu vois. Ouais. Voilà, et après, oh, tu tournes là. Une éponge, et vas-y, tu vois. Mais ça, c'est vraiment les trucs de barbare. Laisse tomber, non, mais c'est. Ouais, voilà, de barbare. Mais ça a été, ouais, c'était plutôt Posca et Baran, en général. D'accord. Bombe, non, un après, peu, ou pas, non. Ouais, c'était plus compliqué, déjà, pour ta mère. C'était, ouais. C'était quand tu. Enfin, plus ou moins quand tu programmais des trucs, ouais, ou quoi que ce soit, tu vois, voilà, tu faisais sur les lignes, tu faisais les murs sombres que tu peux trouver, tu vois, sur les lignes, donc c'était beaucoup du chrome, tu vois, beaucoup, ouais, de la chrome, ouais. Mais je me rappelle, c'était quoi la marque, c'était de la Belton, tu vois. Ouais. La Belton de chrome. Ouais. Tu mettais un gros fat cap et ça te faisait, c'était une bombe, laisse tomber. Ouais, c'est clair. Ouais. Prenez les fat caps de Gexfour là, pour faire des essais, pour nettoyer les fours. Exactement, les fat caps de Gexfour, ouais. Et c'est tard, les pétards dans les magasins. Ouais, c'est clair, je vois bien. Ça me parle. Et voilà. Sinon, tu prends des spades de la maman qui est pas contente. Ouais, c'est clair. Mais c'était ça, après, voilà, quand on faisait des petites missions en train, après, moi, voilà, quand il y avait des. Enfin. Les petites missions comme ça où voilà, tu sortais un peu la night pour un peu sur les voies et tout, ouais, tu prenais ta montre en général, tu vois, c'était vraiment d'accord. Quand t'es comme ça, tu bouges, tu vas te balader, tu bouges. Ouais, un Posca, c'est simple à porter, quoi. Voilà, tu vois, comme nous on habitait loin, voilà, 78, quand t'allais sur Paname, donc ton outil principal c'était Posca. C'était Posca ou machin, parce qu'il fallait faire vite, fallait pas. Voilà, ah, tu ouais. vois. Puis on a fait des trucs à la bombe, hein, quelques trucs à la bombe. Mais... Ok. Et donc, toi, ouais, comme tu me dis, c'était à l'opportunisme, on va dire, quand tu posais, donc ça pouvait être n'importe où, les trains, les murs, les gares, les bus, enfin peu importe quoi, voilà. À l'instinct, quoi. Ok, d'accord. Exactement, ouais. Alors. On va dire, donc on te connaît surtout comme en tant que beatmaker, donc par rapport à tout ce que tu as fait dans le rap français, enfin les Ruff, les Mafia Quinfri, Carrie James, Troisième Oeil, Sini, enfin bon, bref, tout ce que tu as fait, il y en a quand même pas mal. Comment tu as basculé vers le beatmaking là? Tout à l'heure tu me parlais du fait que quand tu as croisé David, enfin chimiste, que ça te donnait un petit peu l'envie, mais comment tu as basculé dans ta spécialité, on va dire, hein, ce qui te correspond le mieux au final? écoute, après moi j'étais rappeur, donc faut aussi, comme je te dis, je jonglais entre le rap et le graffiti. Et du coup, après, quand moi je rappais aussi, j'ai acheté une étiquette, il m'avait présenté au gars d'Express D. Donc après, eux, ils m'avaient pris sous leur haine, voilà, moi en tant que rappeur et tout. Et du coup, c'est vrai que moi j'avais déjà un peu vu des chimistes bosser. J'allais chez lui, je me rappelle à l'époque, avoir 17 ans, ou je sais plus, 18 ans, 17 ans, ouais, un délire comme ça. J'allais chez lui et il montrait un peu et ça m'intéressait, tu vois, un petit peu. Mais voilà, après, quand t'as pas de matos, t'as pas de trucs, mais voilà, c'est quelque chose qui m'intéressait. Après, moi j'étais rappeur, donc. Voilà, je bossais un peu avec les gars d'Express D et tout ça, et à un moment ou à un autre, il fallait, eux, ils avaient leurs gars, enfin, ils avaient Woody qui faisait des sons, t'avais d'autres gars, de l'entourage d'Express D qui faisait des prods pour eux, et c'était un peu difficile pour moi de... Ouais, bah, il y avait Rude Lion, tout voilà, ça, là, il y avait, Ouais, voilà, et puis moi, j'avais mes trucs que je voulais bosser en tant que rappeur, et c'était... difficile parce que des fois d'avoir des prods parce qu'eux ils étaient souvent sollicités pour leur propre projet, donc à un moment ou à un autre moi je me suis mis à faire de la prod parce que c'était pour moi en tant que rappeur à l'époque pour voilà avoir mes propres sons, mes propres trucs et voilà, et j'ai basculé ça comme ça voilà parce que c'était évident et j'avais besoin d'instru pour composer pour moi à la base. D'accord. En tant que rappeur. Et ça, c'est vers quand que tu t'es lancé Ça, c'est vers 96, 17, quoi. Ouais, d'accord. C'est ça, 17, je pense. Ok. D'accord. Et t'as commencé avec quoi comme matos? C'est quoi? Un MPC, un sampler? J'ai commencé avec un sampler, un S1000. Ok. Atari, c'est ça? Avec un Atari 1040 ST, là. Ouais. Et j'avais un petit maître clavier, un petit maître MIDI, un petit clavier MIDI, et puis voilà, une platine, et voilà, des vinyles. Ok. Et voilà. D'accord. C'était que du sample, après ça a un peu évolué. D'accord. Après, plus tard, je m'étais acheté un expander, et puis voilà. Ok. D'accord. Est-ce que tu penses, toi, que en termes de que le 78, le côté ouest hein, de la capitale, que ça avait sa propre identité, tu vois, en termes de hip-hop en général, hein, c'est-à-dire que tu prennes les danseurs, les graffeurs, les rappeurs, etc. Par rapport à Paris, parce qu'en fait, si tu veux, on nous parle tout le temps de Paris comme étant, enfin Paris et Saint-Denis, on va dire, étant, tu vois, la mecque du hip-hop et que ça vient de là et que c'est que ça, quoi, tu vois, en gros, l'histoire est écrite en disant que et Paris fini, Paris 18. Et puis Saint-Denis sont les inventeurs, et puis s'il n'y avait pas eu eux, il n'y aurait rien. Est-ce que toi, tu peux dire que sur 78, on avait notre propre identité, et puis un truc qui était différent ou pas? Qu'est-ce que tu penses, toi, de ça? Ouais, quand même, déjà, à travers que ce soit sur plein de choses, même à travers que ce soit le tag ou le graffiti, à travers la musique, tu vois, il y a vraiment un truc qui était propre au 78. Après, le fait qu'on soit marginalisé, donc du coup, on va dire, t'étais un peu plus dans ce mouvement-là, t'étais un peu les gens qui étaient un peu plus nerveux, tu vois, parce que forcément, tu vois, tu faisais du, nous on était les mecs, je te parle par rapport au graffiti et tout ça, tu vois, quand on allait faire du graffiti sur les terrains et tout ça, c'était sûr que nous, personne pouvait nous dépouiller nos bombes, tu vois, parce que tout de suite on arrivait et on se laissait pas, enfin tu vois, on était voilà, il y avait ce côté quartier aussi, c'est la différence. C'est que ce côté quartier, ce côté cité qui était déjà qui était malgré tout en nous, c'est pas comme à Paris où c'est une autre, c'est vraiment le côté culture était déjà implanté, c'est plutôt, tu vois, il y avait pas c'était vraiment deux mentalités différentes, tu vois. Ouais. On était un peu, pas, je dis pas des sauvageons, mais. On était dans cette culture-là, mais. Brut de décoffrage. Voilà, brut de décoffrage avec les réalités d'une cité et de quartier qui sont en plus, voilà, qui viennent du Mont et les Murons, voire même Trappes. Tu vois, c'est loin, on était loin de Paname. Donc, ouais, c'est clair. Peut-être les derniers servis dans cette culture-là, et les derniers où les gens viendront nous voir ou quoi que ce soit. Donc, mais on a vu, que ce soit du Raga Express D, par exemple, ils ont vraiment sont venus avec leur propre identité, leur truc. Voilà, le truc, justement, le premier rap Kaira, un peu, tu vois, c'est... Bien sûr. Amener ce truc-là, tu vois, après, comme Ministère Hammer, le rap, un peu machin, c'est qu'on a un peu porté ce... Ah, mais c'est clair, c'est... Le rap de cité, mais c'est... Après, c'est... Ouais, vas-y, C'est, ouais, après, c'est, voilà, après, à la différence de Paris ou de trucs, ils étaient plus dans une culture hip-hop. Plus peace and love, tu vois, plus dans ce truc-là. Nous, on était, dans un truc revendicatif, ils étaient aussi dans un truc, nous, on était vraiment... c'est autre chose, tu vois. C'est autre chose, ouais, c'est clair. Mais le côté aussi, c'est notre truc qui me permet de nous sortir de notre endroit, et parce qu'on est beaucoup du monde, et voilà, de voir autre chose et d'être de s'imposer, tu vois. Moi je vois par rapport à... Parce qu'en fait, moi, je suis parti de la rumeur. Hein. Je suis des DJ, des producteurs de la rumeur. Et donc, nous, on était, toi, sur Elancourt, à Morpa. Moi, j'étais à Plaisir. Après, hein, j'ai vécu pas mal de temps à Plaisir. Et c'est vrai que... Donc, nous, c'est un tout petit peu après Express Dire. Parce que nous, les mecs chez nous, ils sont un petit peu plus jeunes. Alors, nous, moi, personnellement, on est plus que les grands frères, si tu veux. Mais donc, c'est arrivé un tout petit peu après Express Dire, on va dire. Parce que nous, ça a commencé vers 97, hein, première sortie, là. Et c'est vrai que, sur le 78, à cette époque-là, t'avais Express D, puis la rumeur, quoi, c'est tout. Enfin, tu vois, en termes de trucs, et on était, les deux groupes étaient à part, par rapport à l'identité musicale qui pouvait être sur Paris, quoi, tu vois. Autant t'avais, sur Paris, les mecs, ils essayaient, alors quand je dis Paris, mais c'est même d'autres banlieues, si tu veux, les mecs, ils essayaient de cloner du Rican, de faire du Rican, enfin, tu vois, bref, peu importe, voilà. Et c'est vrai que Express D, quand ils sont arrivés avec, ils avaient plus le côté Los Angeles, tu vois, un peu laid back, machin, vraiment le truc de Kissman, quoi. C'était vraiment c'était la continuité de la funk, en fait, voilà. Et nous, on avait notre propre identité musicale, ce qu'on nous a reproché au tout début, avant que les gens captent, en fait, le délire, où on samplait énormément des trucs ethniques, etc., etc. Et on était complètement out par rapport à ce qui se faisait, quoi. Tu vois, quand tu vois les prods qui se faisaient sur Paname, moi j'en sais rien, à l'époque t'avais les Sulibi, etc., etc. Bon, c'est des mecs, moi j'aime bien, j'ai pas de problème avec eux, mais si tu veux, ça copiait le Rican, quoi. Tu vois, c'était, tu voyais, Sulibi faisait des trucs, bon, c'était PMD, quoi, c'était Eric Sermon, quoi, tu vois, c'était, en version française, évidemment, machin, alors que Express D ou nous, on faisait des trucs, on faisait comment nous, on pense être le hip-hop chez nous, tu sais, de notre façon, de notre point de vue. Tu vois, et c'est vrai que par rapport à ça, on était un petit peu, les mecs de la banlieue ouest, quoi. Tu vois, c'était marrant. Ouais, après, c'est clair que 78, oui, il y a même, comme tu dis, la rumeur, ils ont leur singularité, et je pense qu'ils avaient leur singularité, bien sûr, c'est clair par rapport à Paris. Mais moi, je te dis, après, j'ai toujours eu un contact, tu me rappelles à l'époque aussi avec des mecs comme Chimiste, tu vois. Et à l'époque, quand ils avaient monté la Clica, des fois, je les côtoyais. Bah, la Clica, tu vois, ils ont eu leur propre truc. Moi, je trouve que la Clica, par rapport à... Ils avaient leur truc. Tu pouvais pas dire, ouais, ça ressemble à un chat, ça, tu vois, c'était... C'est vrai que nous, c'était totalement... totalement différent, mais en même temps, c'était aussi ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, ces groupes-là, bien sûr, c'est toujours des groupes qu'on parle de eux, que ce soit la rumeur ou Express D, ça fait tic, les gens le connaissent, quoi, évidemment. Après, t'aimes pas, voilà, c'est autre chose, mais les gens, voilà, c'est des trucs qu'on marquait. D'ailleurs, tu parles de la Clica maintenant, les gens, ils captent, quoi, tu vois. Alors, ceux qui connaissent pas, bon, après, ils peuvent aller écouter autre chose, quoi, mais tu vois, faut pas écouter du peur en français si tu connais pas la Clica, quoi. Tu vois, mais bon, voilà. C'est clair. Ok. Alors, juste avant, par rapport à ça, j'ai une question, en fait, c'est savoir si toute cette période que tu as vécue depuis ta jeunesse et puis ce mouvement, est-ce que ça t'a influencé pour le reste de ta vie? Bah, tu vas me dire oui, parce que tu vas m'expliquer ce que tu fais maintenant. Mais voilà, est-ce que ça t'a influencé pour le reste de ta vie, même dans ta vie privée, tu vois? Je veux dire, est-ce que certaines valeurs, parce qu'il y a quand même quelques valeurs qui étaient à en sortir de tout ça, est-ce que bah voilà, ça t'a aidé pour en vieillissant, je sais pas moi, si t'as des enfants, voilà, est-ce que toi, il y a un truc qui est resté de tout ça? Oui, oui, complètement. Oh, franchement, exactement. Bah après, c'est ça m'a plutôt mis dans cet esprit de voilà que j'aimais beaucoup le côté artistique, tu vois, le côté artistique et toute cette époque-là et tout ce mouvement-là, c'est ce qu'il faut retenir, c'est le partage et l'échange. Mmh. Tu vois, et le côté sociabilité et les rencontres aussi, tu vois. J'ai fait énormément de rencontres, j'ai connu plein de gens. Il y a eu des parcours communs, des parcours qui se sont croisés, d'autres qui se sont divisés. Enfin, ça m'a permis aussi de sortir du quartier aussi, tu vois. Bien sûr. Donc, et grâce à ça, ça m'a peut-être évité de tu vois, de finir dans des histoires bizarres et ouais, d'être parti dans un truc de délinquance et tout ça. Donc déjà, ma vie privée. Et ma vie en tant qu'individu, ça m'a permis justement de sortir de ça, tu vois. Mmh. Quand t'habites au Muro, quartier populaire, tu vois, à l'époque, c'était pas les quartiers étaient un peu dégueux, machin. Bah oui, c'est vrai. Donc, après, même si on n'était pas malheureux en soi, tu vois, mais tu pouvais facilement basculer dans les conneries, dans les bêtises, dans des trucs, tu vois, qui peut t'amener... C'est pas facile, c'est pas forcément un atout, en fait. Voilà, oui, c'est ça. Voilà, qui peut t'amener dans prison ou autre. Et moi, bien justement, sûr. Le fait que cette culture hip-hop là m'a vraiment s'est imprégné de moi, tu vois, qui était vraiment avec toutes les pratiques que j'ai pu faire à travers la culture hip-hop, tu vois. Danse, j'ai fait même DJ, rap, d'accord. Graffiti et beatmaking, tu vois, donc et compo, donc. Ça m'a sorti de cette situation-là, ça m'a permis de rencontrer des gens de divers horizons aussi, tu vois, parce que, tu vois, même à travers le graffiti, t'as des mecs qui font du graffiti, mais qui viennent pas forcément du quartier, qui bien viennent sûr. Pas forcément de milieux, difficiles ou quoi que ce soit, c'est ça aussi qui m'a fait comprendre des choses, tu vois. C'est que même à travers même la musique, des trucs, c'est que toi... des gens qui kiffent cette culture-là, mais qui sont de divers milieux sociaux. Donc du coup, ça aussi, ça te permet de t'ouvrir un peu plus, d'avoir une ouverture d'esprit, d'avoir un regard sur les gens, sur ta situation et sur autre qui est différente. Donc le côté social et le côté aller vers les autres, forcément, partage. D'une certaine manière, voilà, le partage, tu sers d'une certaine manière. Moi, je me rappelle, j'ai été des fois dans des trucs où voilà, tu viens ton démuro machin, après tu te retrouves dans une soirée dans le 16e machin, parce que c'est un mec qui fait du graffiti, sa meuf elle habite là, machin. Tu vois, où c'est deux milieux opposés, tu vois, un peu comme qu'est-ce que c'est là, quoi. Le film La Haine. Ouais. Comme le film La Haine, où à un moment tu te retrouves dans des trucs où et après tu parles avec des gens, tu vois, ah ouais, tu fais ça, machin, et puis t'as des passions communes, bien sûr, tu vois, et ces passions communes arrivent à te réunir, arrivent à te fédérer, arrivent à te dire ouais, ok, moi je viens d'un milieu comme ça, mais on a des passions communes, on kiffe le même truc, bien sûr, et on partage. Donc oui, déjà ça m'a pour ma vie d'aujourd'hui, donc ça soit aujourd'hui ou d'avant, ça m'a beaucoup apporté. Et puis le côté aussi la passion, tu vois, qu'est-ce qu'est une passion, s'accrocher à une passion, s'accrocher à quelque chose qu'on aime, rester aussi dans la découverte, tu vois, ça m'a aussi éveillé ma curiosité grâce à ça, m'a permis d'être plus curieux des choses, de m'intéresser à la culture en règle générale, tu vois, c'est pas l'école. Ouais, bah, dit que voilà, tu vois, à travers le graffiti, ça m'a permis aussi de m'intéresser à d'autres formes de street art et d'autres formes d'art, en règle générale. Donc, parce que, voilà, la graphique ou la peinture n'est pas... voilà, il y a plusieurs styles, plusieurs choses. Donc, déjà, ça aussi... Tu te cultives, en fait. Aussi, ça vois, permet de te cultiver. Tu vois, moi là, cette culture-là m'a permis de m'auto-cultiver, enfin, de cultiver et de m'intéresser à plus de choses. Comme la compo, tu vois, le beatmaking, quand tu allais... tu faisais que du sampling et là, voilà, tu sais qu'il faut prendre des, tu prends des vinyles et puis du coup tu regardes, ah tiens, ah, ça c'est mortel ce sample, c'est qui a composé, tu commences à t'intéresser à qui sont les compositeurs, qui sont les musiciens, à t'interroger à des périodes de musique, à t'interroger tu vois, et à y nourrir ta culture comme ça musicale à travers voilà le fait que tu fais du sampling et tout, et tu te dis ah ouais, ça c'est mortel machin, et de faire tes références comme ça aussi. Donc non, ça m'a beaucoup apporté et voilà. Bon, mais c'est cool ça. Et donc à la suite de ça, donc quand tu t'es mis à faire du beatmaking, enfin vraiment le beatmaking, ça, t'as passé un diplôme, enfin ou une formation d'ingénieur du son, ça, non, tu t'es. Après ça c'est plus tard. Ouais, d'accord. Ça, moi, okay. Quand t'as fait quand t'as écumé les studios depuis des années, après voilà, t'as fait des projets, t'as bossé pour Off, pour Basantia, machin, t'as été dans plein de studios, plein de trucs, donc t'apprends des choses des fois comme ça du milieu du travail du studio. Et puis moi j'ai bossé aussi en bureau en tant que technicien son et lumière, enfin tu vois, tout côté d'accord. technique, aspect technique, machin, des choses qui m'intéressaient aussi. Et tu vois, d'où aussi, mais qui à l'époque, quand j'avais été voir David de chez lui, tu vois, les machines, ils touchent aux machines, tu vois, c'est des trucs, j'étais geek avant l'heure, tu vois. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et puis voilà, à force d'écumer les studios, tu apprends, enregistrer, tu apprends ce que c'est les machines, tu apprends des choses. Ou si ta curiosité te fait poser des questions aux ingé soins. Tu commences à apprendre des choses par toi-même à force d'écumer pendant pas mal d'années, et puis après j'ai eu un moment de ma vie où j'avais besoin de redéfinir des objectifs, tu vois, où je faisais moins de musique parce que j'étais moins inspiré, j'avais moins envie, et puis il fallait redéfinir d'autres objectifs, et c'était le bon moment parce que c'est une période un peu difficile de ma vie, et à un moment je me suis dit j'ai encore un peu d'argent de côté, que je voulais utiliser pour ces choses-là. Et je me suis dit, je vais faire une formation d'ingénieur du son. D'accord. Parce que voilà, ça va valider un peu tout cette expérience que j'ai eue dans le studio et cet apprentissage par soi-même, autodidacte. Et puis j'ai fait un an et demi de formation dans une école d'ingé son à Paris, commune, tu vois, l'ESRA. D'accord, ok. Ce qui est bien, c'est qu'il y avait cette spécificité aussi orientée sur l'audiovisuel, tu vois, donc il y avait musique et audiovisuel. Donc, oui. Du coup, ça me permettait aussi de voir aussi un peu cet environnement du son à l'image de l'audiovisuel, parce que. Ouais, c'est un tout, vois, c'est un tout en fait. Voilà, c'est un tout. Donc voilà, comme j'ai connu le travail d'ingé en console, un machin, le travail d'ingé en studio, et puis le travail d'ingé aussi dans le secteur audiovisuel, et c'est ce que j'ai fait. Et c'est pour ça, et puis actuellement, je suis ingé son. Après, je fais toujours un peu de musique pour le plaisir, mais ouais. Je suis ingénieur du son. D'accord. Donc je suis resté toujours dans... Voilà, je me suis donné un peu les moyens, et j'ai toujours resté dans cette passion qui est la musique, cette passion qui est la culture, et voilà.